Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 33. Des effets de la joie ou de la délectation. La délectation dilate le cœur, produit le désir d'elle-même, aide la raison et perfectionne l'opération. 1. La délectation produit-elle la dilatation du cœur? Vous verrez Dieu, disait Isaïe 65, vous l'admirerez, et votre cœur se dilatera. L'âme, en percevant son union avec un objet qui lui convient, y donne son assentiment, et alors le cœur paraît s'ouvrir, s'élargir, pour le recevoir et le conserver. Voilà ce qui fait dire que la joie produit la dilatation du cœur. Note. Quand la joie, dissipant la tristesse qui environne le cœur, l'illumine de ses vivifiantes clartés, tout l'organisme, qui naguère était affaissé, morne et sans éclat, reprend son énergie, sa beauté, sa splendeur. Les fonctions, qui languissaient tout à l'heure, s'accomplissent largement, le visage s'épand, le front s'agrandit, l'œil brille impétueux dans son orbite, il semble qu'un surcroît de vie ait été versé dans l'organisme. Confère Luino. Fin de la note. 2. La délectation produit-elle le désir ou la soif d'elle-même? La délectation produit indirectement le désir ou la soif d'elle-même. Cela peut venir, soit de l'objet possédé, soit du sujet possédant, il est des biens qui, comme objet de jouissance, n'existent pas tout entier à la fois, mais que nous recevons par partie et d'une manière successive, alors le plaisir que nous fait éprouver ce que nous en avons, éveille en nous le désir d'obtenir ce que nous n'avons pas. Telles sont presque toutes les jouissances corporelles, ainsi qu'on le voit dans l'usage des aliments. C'était le sens de ces paroles du Sauveur, « Celui qui boira de cette eau aura encore soif. » Jean 4, 13. Il est ensuite des biens parfaits qui existent simultanément dans la plénitude de leur perfection, mais que le sujet qui les reçoit ne peut cependant posséder qu'imparfaitement dès le principe, parce qu'il ne doit les acquérir que par degrés. Ici encore, le plaisir qu'on ressent excite le désir d'une possession plus vraie et plus intime, celui qui trouve du bonheur dans la connaissance incomplète de la bonté divine veut la connaître parfaitement. Ceux qui me boiront, a dit la sagesse, auront encore soif. Ecclésiastique 24, 21. Il y a, toutefois, cette différence entre les délectations corporelles et les délectations spirituelles, que quand les premières s'augmentent ou se prolongent au-delà d'une certaine mesure proportionnée à notre capacité naturelle, elles nous deviennent importunes et fastidieuses, au lieu que les délectations spirituelles, n'excédant jamais notre capacité naturelle, perfectionnent toujours notre nature. À moins que certains exercices des facultés corporelles ne nous causent de la fatigue. Sommes-nous parvenus à l'épuisement d'une jouissance sensuelle, nous la rejetons avec dégoût pour passer à d'autres, mais plus nous épuisons les jouissances spirituelles, plus nous y trouvons de charme. Voilà comment la délectation produit indirectement le désir ou la soif d'elle-même. Si nous la considérons, en outre, comme existant, non pas actuellement, mais dans la mémoire, il faut dire qu'elle produit naturellement le désir d'elle-même chez l'homme qui se place dans les dispositions où il était lorsqu'il l'a goûtée. 3. La délectation empêche-t-elle l'exercice de la raison? Les délectations qui viennent de la raison même, par exemple, celles qui ont leur cause dans la contemplation ou dans le raisonnement, favorisent l'exercice de cette faculté, loin de lui nuire. Ce que l'on fait avec plaisir se fait avec plus d'attention. Nous n'en dirons pas autant des satisfactions du corps. Celles-ci mettent des entraves à l'exercice de la raison, d'abord, en concentrant sur elles les facultés de notre âme, elles gênent notre intelligence, et parfois même lui interdisent tout exercice. Ensuite, plusieurs d'entre elles, les mauvaises, corrompent, par une sorte de contrariété, le jugement de la sagesse pratique, quoiqu'elles ne détruisent pas celui de la sagesse spéculative, car l'homme saura toujours juger que les trois angles d'un triangle sont égaux à deux angles droits. Enfin, elles produisent dans notre organisation une perturbation plus profonde que les autres passions, car les objets présents font une plus vive impression sur nos sens que les objets éloignés. Les troubles et les désordres qu'elles amènent peuvent être tels qu'ils paralysent les fonctions de la raison, comme cela se voit dans les hommes ivres. 4. Le plaisir perfectionne-t-il l'opération? Le plaisir perfectionne nos actions, premièrement, comme une fin qui, en les complétant, fait reposer notre volonté dans un objet présent que nous avons désiré, en second lieu, comme agissant sur la cause efficiente, parce que l'homme qui travaille avec joie apporte à ses opérations plus de soin et de courage. Note. La délectation corporelle qui n'a pas son principe dans la raison même, en paralyse l'usage. Toutes les délectations ne sont pas de ce genre, il y en a de spirituelles qui favorisent, au contraire, les actes de l'intelligence, loin de les entraver. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.